Vous voici conviés au cours du Collège de France. Quel est le rapport de l'homme avec la nature? Alors que la COP22 réunit décideurs et acteurs du développement durable et que la biodiversité est entrée dans une phase d'érosion beaucoup trop forte, nous vous proposons de retrouver cette semaine le biologiste Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, pour sa série intitulée « La biodiversité, son évolution et ses croisements avec l'humanité ». Cette série a été diffusée dans le cadre de l'éloge du savoir de Christine Goémé en 2014. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé. Bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. La biodiversité de l'océan à la cité, tel est le thème de ces 8 leçons que Gilles Boeuf, titulaire de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société, s'est proposé de brosser au Collège de France dans un tableau vivant et responsable des enjeux de la notion de biodiversité. Cette notion n'est apparue que très récemment, avec la prise de conscience d'abord de quelques-uns puis de plus en plus de citoyens du monde, de l'extinction des espèces, extinction qui menace également l'espèce humaine. Car si la disparition, comme la création, d'espèces est une constante de l'histoire de la vie sur Terre, celle que nous vivons actuellement pourrait bien affecter l'humanité elle-même. Et cela, non pour des raisons liées à la nature, volcanisme, chute de météorites, variations extrêmes de température, mais à cause de sa propre activité, industrie certes, mais aussi élevage. Hier soir, Gilles Boeuf nous a raconté avec verve et précision une histoire du vivant de la première bactérie aux premiers éleveurs et agriculteurs il y a 12 000 ans. Une histoire qui renverse bien des idées reçues et que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture dans l'émission L'Éloge du Savoir, comme sur le site du Collège de France. Ce soir, Gilles Boeuf nous parle de la conquête de l'énergie, des besoins industriels et de l'avènement de l'Anthropocène. Écoutez. La première machine à vapeur qui fonctionne, inventée par des humains, c'est la locomotive. James Watt, en fait, c'est Denis Papin en France qui invente la machine à vapeur, mais il ne l'a pas du tout appliquée à des choses qui étaient fonctionnelles sur le terrain. C'est James Watt aux États-Unis, un petit peu avant la Révolution française, qui fait la première locomotive. On va pouvoir faire bouger quelque chose par une énergie vraiment tout à fait particulière. Et en fait, on va basculer sur un système où, du jour au lendemain, on va en parler aujourd'hui, il nous faut du charbon et du pétrole. Et puis, on va parler un petit peu de domestication aussi. Ça, c'est une image de la grande île de Madagascar, dans le nord. Quand vous survolez de Tana à Nchema, à Majanga, vous avez des zones où il y avait des forêts qui ont totalement disparu. Et sur des époques récentes, hein, ça s'est précipité beaucoup. J'ai une amie qui est professeure à Tuléar, un peu plus au sud, qui me dit, il y a encore 5 ans, j'emmenais mes étudiants dans la forêt de Tuléar. C'est fini. Il n'y a plus un arbre. Et la misère, bien sûr, associée, les gens n'ont plus rien. Déjà, dans la forêt, c'est difficile, mais quand il n'y a plus de forêt, il n'y a absolument plus rien. Alors, domestication. On avait vu les plantes, là, il y a 15 jours, les animaux aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, c'est de voir un petit peu comment c'est né. Je vous ai mis ici donc les grands foyers originels des espèces d'intérêt d'élevage. On verra la mer tout à l'heure, on va parler pour l'instant des continents. Avec, ça c'est un travail de Jared Diamond que vous connaissez bien. Diamond, c'est lui qui a fait le livre Collapse en 2006, hein, effondrement en français, où il raconte justement le rôle des sociétés sur leur propre effondrement. Il analyse les Vikings du Groenland, il analyse l'île de Pâques, on en parlera tout à l'heure, c'est un joli exemple. La Chine actuelle, les États-Unis actuels, et c'est intéressant d'y réfléchir. En fait, comment nous-mêmes on contribue à un système qui ne peut qu'être amené à s'effondrer, à des échéances qui sont différentes. Et comment on peut contrôler ceci? C'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors, au niveau agriculture, Diamond nous fait laisser une revue générale sur ce que l'humain a fait. Depuis, on a vu à peu près 12 000 ans, hein, je vous disais, donc les premières traces effectives d'animaux transplantés par des humains, c'est Chypre, Et l'Asie du Sud-Est, hein, on a des collègues du muséum, l'équipe de Jean-Denis Vigne qui travaille là-dessus. Il y a 11 400 ans, on trouve les premiers cochons sauvages amenés par des humains à Chypre. Donc on les amène avec des bateaux, hein, et on va commencer à les élever. La même chose également pour l'Asie du Sud-Est aussi. Hein. Mais on verra tout à l'heure que le premier animal domestiqué, c'est le chien à partir du loup. C'est une très belle histoire, l'histoire de la connivence entre le chien qui vient du loup et l'humain. Donc ici, les feuillets originels donc, sont effectivement... Alors en jaune, donc, c'est là où aujourd'hui sont développés des zones importantes de culture et d'élevage, et en orange, ce sont les zones originelles d'où venaient les plantes ou les animaux d'intérêt domesticable, je dirais. Et vous voyez que c'est pas toujours la même chose, hein. On n'a pas grand-chose qui sort de l'Europe. Le lapin est domestiqué en Europe de l'Ouest, hein, mais tout vient d'ailleurs, hein. Ça veut dire que vous avez des grands foyers, ben, le croissant fertile, évidemment. Tout à l'heure, on me posait sur le seigle, hein, sur l'or, sur le blé. Vous avez la Chine, qui a été un foyer important aussi. La Papouasie, ici. L'Afrique de l'Est. L'Afrique centrale, ici. Subsaharienne, hein, sahélienne, l'Amérique du Sud, avec ici des exemples fabuleux, hein, que serait aujourd'hui l'agriculture sans la pomme de terre, par exemple, sans la fraise, hein, la fraise vient aussi du Chili, et puis un peu plus au nord, le maïs, la tomate, la courge, hein, qui viennent tout ça du Nouveau Monde, du Centre-Amérique actuel, ou de l'endroit où sont aujourd'hui les États-Unis. Donc vous avez des zones sur lesquelles l'humain va s'appuyer sur une biodiversité naturelle, et je vous avais dit la dernière fois que au niveau agricole, au départ, n'imaginez pas du jour au lendemain des champs organisés. Il y a un profond mélange pendant des milliers d'années entre des plantes sauvages et des plantes qui commencent de plus en plus à être domestiquées. Mais les vrais cultivars, comme on les connaît aujourd'hui, c'est récent, hein, c'est 150 ans, hein, c'est le milieu du 19e siècle à peu près. Alors, sur les animaux, c'est intéressant de regarder comment ça s'est passé, parce que, regardez, le cheval, le zèbre. On n'a jamais réussi à domestiquer les zèbres. On a essayé, hein, ça marche pas. Vous mettez dessus, je vous raconte pas, hein, c'est du rodéo à chaque fois. Hein. Jamais un zèbre a accepté effectivement qu'un humain reste derrière sur son dos. Bah, c'est comme ça. On a toujours pas réussi à domestiquer les zèbres. Le mouflon, le mouton, on a réussi avec le mouton, on n'a pas du tout réussi avec le mouflon. La chèvre asiatique et européenne, la chèvre des Rocheuses aux États-Unis, impossible à domestiquer. Ça a été essayé, bien sûr, ça a été tenté. Hein. Réfléchissez à ces humains. Moi, je mets toujours ça à mes étudiants. Pensez, je pense que c'était un mâle. Pour faire un truc comme ça, c'est plus un mâle qu'une femme, je crois, qui est monté sur un cheval sauvage. Il s'est fait jeter par terre, piétiné, évidemment. Hein. Il est resté, il a repris ce cheval, il s'est installé dessus, et le cheval a été effectivement, pour l'humanité, d'une fabuleuse connivence sur... Tant qu'il n'y avait pas de machine à vapeur, qu'on verra tout à l'heure, l'étalon, c'était le cheval animal. Hein. On passera au cheval vapeur avec la locomotive que j'évoquais tout à l'heure. Je vous ai mis le renne avec ici un cerf, par exemple, une vache avec un buffle africain, et ici, en plante, je vous ai mis un amandier et un chêne. C'est-à-dire que en fait, dans la diversité qui était offerte à l'humanité, vous avez des espèces qui se sont prêtées à la domestication, d'autres non, pour des tas de raisons différentes. Tout à l'heure, on verra l'aquaculture, moi je me suis beaucoup intéressé, il y a des espèces de grand intérêt aquacole, mais on ne sait pas les élever. La langouste, on se casse les dents depuis très longtemps, la dorade coryphène, le maï-maï, vous les mettez dans des cages, ils se battent en permanence, pour des tas de raisons en fait. Hein. C'est lié à des questions de capacité à survivre dans des milieux très confinés, capacité à ne pas être trop malade lorsque vous avez une grande promiscuité, c'est très important ceci. Il y a aussi des questions qui sont liées bien sûr à l'humeur de l'animal, à son comportement, à son éthologie. Hein. Il y a des bestioles qui sont indomesticables. D'ailleurs, vous voyez quand vous récupérez des animaux sauvages, hein, c'est arrivé quelquefois, que vous les gardez avec vous depuis tout petit, je pense à une porteuse de renard par exemple ou de loup, hein. Ne prenez jamais le dégourdi de la famille. Celui-là, il est indomesticable, il vous mordra encore 3 ans après. Hein. Et puis il n'aura qu'une envie, c'est de partir. Vous allez prendre le souffreteux de la famille qui peut-être acceptera au bout d'un certain temps de vivre avec vous. Donc tout ça, c'est très subtil en fait. Hein. Ensuite, les voies de domestication ont varié selon le Nouveau Monde ou l'Ancien Monde. Hein, donc ici, on a eu vraiment énormément de relations très vite entre Asie et Europe en permanence, totalement Est-Ouest, Ouest-Est, c'est très net. Hein. Donc le croissant fertile que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, hein, pour beaucoup de céréales. Et beaucoup d'animaux sont venus de là aussi. L'Afrique, ça a été un gradient Nord-Sud, également pour le Nouveau Monde. Le gradient est Nord-Sud, en fait, hein, pas du tout dans l'autre sens. Bon, c'est lié, bien sûr, à la configuration de ces continents, et puis aussi à la pénétration de l'humain. L'humain arrive ici il y a peut-être 20 000 ans. Hein, donc il y a 20 000 ans, les humains passent par le Nord, arrivent en Amérique du Nord. Il va falloir attendre pour qu'ils puissent passer vers le Sud que les grands glaciers qui étaient là fondent, parce qu'au moment où ils passent ici, puisqu'il n'y a pas de mer, hein, Bering est entièrement prise par les glaces, ils marchent sur la glace, ils arrivent, la route du Sud est bloquée. Hein. C'est quand ça va fondre derrière eux, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Hein. L'océan réapparaît dans l'étroit de Bering, et on voit à ce moment-là les glaciers au sud dans les Rocheuses qui fondent, et ils peuvent passer au sud et accéder aux plaines du Ouest américain, et après descendre vers le Centre-Amérique et l'Amérique du Sud. Alors là, il reste encore beaucoup de questions posées parce que on a quand même des traces de gisements très anciens aussi au Brésil, par exemple. Hein. Il y a un site au Chili aussi, très intéressant, où on a quand même des traces à 12 000. Donc ça veut dire que, ou ils sont venus très vite du nord au sud, ou alors peut-être qu'ils sont, ils ont pu voyager par d'autres régions, mais en tout cas, ils n'ont pas traversé l'océan Atlantique. Sur l'Afrique, bien sûr, on a vu que l'homme, les humains sont apparus en Afrique. Ils sortiront par le Sinaï. Le Sinaï est extrêmement intéressant. Hein. C'est l'endroit géographique par lequel l'humain a forcément dû sortir d'Afrique pour aller soit vers l'Europe, soit vers l'Asie. Et on a des traces d'occupation humaine. C'est là qu'on trouve les traces des plus anciens foyers, par exemple, allumés par des humains. Donc, selon les espèces, on peut domestiquer ou pas. Et puis, ça va démarrer. On est ici à peu près vers 12 000 ans. Alors, le loup, c'est une très jolie histoire, l'histoire du loup. Il y a eu une très beau série de papiers dans un numéro de la revue Nature, en 2002, entièrement consacré aux chiens et à la domestication du chien. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur des bases génétiques, c'est que le chien actuel, il est d'origine asiatique. Le chien actuel, quelle que soit leur race actuelle, hein, c'est ça qui est fantastique. Génétiquement, c'est une merveille, le chien. Là, je me pose souvent la question vis-à-vis d'un petit enfant qui regarde un chien. Il peut voir un chihuahua, un Saint-Bernard, un dog, un doberman, tout ce que vous voulez, il y en a plein. Hein. Il sait que c'est un chien. On m'a toujours surpris. Ils sont bien plus différents entre eux qu'un chien et un chacal, qu'un renard et un loup. Et le gamin, pris dans un système global d'élevage, effectivement, par d'autres humains, il sait que c'est un chien. Ça, c'est intéressant, hein, parce que c'est pas du tout évident. Hein. Quand vous y pensez bien, il y a des chiens bien plus différents entre eux que ne sont d'autres animaux avec les chiens, bien entendu. Ces chiens viennent en fait d'une origine asiatique, donc 3-4 séries de loups indiens qui vont être domestiqués. Alors le loup, regardez un petit peu cette espèce du loup. C'est le premier, bien avant les autres. Maintenant, on a des traces, les loups devenus chiens, en train de devenir chiens, accompagnaient les humains il y a 15 000 ans. 15 000 avant, donc ça fait presque 20 000. Très social, très organisé, un chasseur à vocalise, il chante le loup, il se raconte des histoires en permanence. Ça, c'est très proche de l'humain. Beaucoup d'animaux n'ont pas ces vocalises que font les loups entre eux. Ils sont extrêmement sociaux, extrêmement bien organisés. Et on va voir, en fait, on va assister à ce moment-là aux loups qui observent des humains en train de chasser des mammouths. Le mammouth était inaccessible pour des loups, c'est trop gros. Même une meute de loups sur un gros mammouth qui est en pleine forme, un mammouth un peu décadent, effectivement, on peut l'attaquer, mais là, c'est un peu difficile. Et le loup observait les humains chasser des mammouths. Et puis, il venait autour, parce qu'il voulait récupérer, bien sûr, hein, surtout en hiver, un petit peu à manger de ce que les humains allaient lui laisser. Et on va assister à ce moment-là à une espèce de, disons, de relation entre un loup qui assiste à une chasse et des humains qui chassent, qui va amener tout doucement, ça a pris un certain temps, hein, à ce que ce loup se rapproche de plus en plus, accepte la présence de l'humain, et l'humain accepte la présence du loup. Puis un jour, il comprendra que le loup peut l'aider, effectivement, dans la recherche, bien sûr, d'animaux sauvages qui va commencer à chasser. Et ça, vers 30 000 ans, on pense qu'il y aurait pu y avoir les premières relations entre les loups, les humains et les mammouths. Vous savez que c'est le seul animal connu au monde aussi qui a élevé des enfants. Hein. Ça a été démontré. Il y a plein de cas. Les enfants loups, j'en connais pas d'autres, hein, espèces animales, que vraiment on a pu démontrer qu'ils avaient élevé des enfants humains. En Inde, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a une histoire en France aussi qui s'est passée à une époque, qui est assez bien documentée. Donc le loup peut accepter une présence de l'humain de façon exceptionnelle. Pour qu'une louve accepte d'allaiter un bébé humain, c'est très particulier. Hein. Tarzan, il n'a pas été allaité, Tarzan, par une femelle de chimpanzé ou de gorille. Ça ne marche pas. Il y a une histoire terrible, par contre, vous savez que dans l'histoire de Nîmes, cette horrible histoire des années 70, où un Américain avait prétendu qu'il n'y avait pas de différence entre les chimpanzés et les humains, il suffisait de les élever de la même façon. Il a trouvé une fille assez cinglée, je pèse mes mots, pour allaiter un bébé chimpanzé à un moment où son petit garçon. Et c'est une catastrophe, cette histoire-là, hein, parce qu'ils ont humanisé ce bébé chimpanzé, qui a grandi comme un chimpanzé. Donc au bout de 2 ans, je ne vous raconte pas la force du chimpanzé par rapport à la force du bébé humain. Et puis on s'en est débarrassé. Ça s'est très mal terminé. Il a fini dans des expériences pour des produits pharmaceutiques. Et quand il retrouvera sa mère, en fait, cette femme qui l'avait élevée, il ne la tuera pas, il la défigurera. Il va lui arracher les oreilles, il va lui arracher la joue, mais il ne la tue pas. Il aurait pu la tuer. Et il finit. Nîmes, il meurt en 2002. Hein, c'est une histoire assez récente. Ils en ont fait un film qui est mais absolument poignant. Vous avez honte d'être un homo sapiens quand vous regardez l'histoire de Nîmes. Donc le loup, c'est différent. Symbiose entre le loup et l'homme, le chien, et les premières domestications vraiment avec des chiens constants avec les humains, sur les lieux de chasse qu'on retrouve dans les zones de sépulture, hein, c'est à peu près 15 000 ans. Alors, ce papier dans la nature, aussi, on nous dit que, génétiquement, il démontre effectivement que ces loups viennent de Chine. Et il montre aussi que le loup a des capacités, le loup devenu chien, que n'ont même pas les chimpanzés. Dernier aspect sur les chiens qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand je libère des chiens ? et qui repartent à la vie sauvage. Lâcher des chiens, n'importe quel. Un chihuahua ou un bichon, il va être bouffé tout de suite. De toute façon, celui-là, il n'ira pas très loin. Mais je prends un chien un peu plus gros, hein, qui peut se défendre. Eh bien, tous évoluent vers le même type de yellow dog, hein, qu'on trouve en Inde, le dingo australien, c'est ça, hein. En fait, toutes les races de chiens que l'humain sélectionne âprement, il y a des conditions incroyables, hein. On vous fait des chiens aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs avec des... On peut tout inventer, hein. Et il faut des pressions incroyables pour les garder. Les races pures, c'est quand même pas terrible. Il vaut mieux avoir des hétérozygotes que des homozygotes comme ça, vous le savez très bien. Et puis, on se rend compte, effectivement, qu'ils vivent pas très longtemps. Il y a des races de chiens, je sais pas, je prends par exemple le boxer, hein. 8-9 ans pour un boxer, c'est vieux. Les caniches, ils peuvent dépasser 20 ans. Donc, tout ça, on a des relations, bien sûr, avec les types de chiens que l'on va former génétiquement. Mais si vous les libérez et qu'ils sont aptes à se débrouiller dans la nature, ils ne sont pas mangés par un truc qui passe à côté la semaine suivante, tous vont évoluer vers le chien jaune. Une espèce de chien famélique, souvent, ils cherchent à manger en permanence. Le bâtard, comme on l'appelle, mais les bâtards, génétiquement, ils sont absolument fabuleux, bien meilleurs que les races pures, c'est bien connu. Et ils évoluent vers le dingo australien, effectivement, qui a été libéré au début, à partir de chiens différents. Hein. Donc c'est intéressant de réfléchir un petit peu à tout ça. Ces papiers ont été très intéressants il y a maintenant une dizaine d'années. Donc, la domestication, maintenant, comment ça s'est passé? Alors ça, c'est un travail de Jean-Denis Vigne, qui vous montre que le chien est bien avant tout le monde, ça c'est clair. Et après, ben... Écoutez, en à peu près même moment, on va avoir la chèvre, le mouton, le chat, le porc. On est vers 18 000 ici. Et selon les régions du monde, c'est différent, bien sûr. Hein. Alors, le porc, donc, lui, rapidement, a été domestiqué à partir de cochons sauvages, de sangliers. Donc, il est venu dans les îles de la Sonde. Hein. Il y a 10 000 ans, 11 000 ans, les premiers arrivent. Ici, vous avez des porcs, ici, bien sûr, aussi, qui vont arriver, bien sûr, en Europe. Hein. Le lapin est européen. Le zébu, le cheval, Ivan Przewalski, hein, du cheval qui aujourd'hui encore on essaye de maintenir dans les plaines de Mongolie. Il n'y a plus de vrais chevaux sauvages. Hein, il y en a redevenus à l'état sauvage. Et Przewalski, on le sauve. Vous en avez à la ménagerie à Vincennes, là, dans le Larzac, il y a une harde de Przewalski. On est allé récupérer les derniers dans des eaux et puis on est reparti pour essayer de les remettre maintenant dans les endroits sauvages desquels ils viennent. Hein. Le zébu, le buffle, le chameau de Bactriane à deux bosses, hein, avec ses grands poils là. Des porcs aussi, des sangliers aussi en Asie. Donc le porc est vraiment Asie et Europe. Puis la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc, le chat, hein, les chats en Égypte, on en connaît depuis très longtemps, le dromadaire, ici en Arabie, le coq, et puis, alors bien sûr, après, alors bien sûr, il y aura, l'humain passera en Amérique, on a dit 20 000 ans, il passe par Bering, et là, il va tirer parti d'espèces locales qui ne vivaient pas en Europe, comme le dindon, et au sud, hein, les camélidés d'Amérique du Sud, les camélidés d'Amérique, ce sont donc, bien sûr, le lama, l'alpaca, le guanaco. La vigogne, la bicounia n'a pas vraiment été domestiquée. On l'a gardée en parc. C'est un animal sacré pour les Incas, la vigogne. Elle a failli disparaître. Hein. On est reparti de moins de 500 vigognes en 1890. Tout avait été massacré. L'Inca punissait de mort tout individu qui tuait une vigogne. Dès que tout ça est parti en morceaux, sont arrivés les Espagnols, on a tué les bicounias. Et on va repartir d'un tout petit troupeau de vigognes. Et maintenant, elle se porte assez bien. Elle est dans les parcs nationaux au Chili, en Argentine, et puis au Pérou. Et alors là, c'est intéressant aussi pour ces animaux-là. Le lama, bien sûr, s'est bien prêté à la domestication, mais il refuse qu'on monte sur son dos. Essayez de faire un jour, vous verrez le résultat. Hein. On n'a jamais réussi à installer à quelqu'un sur le dos d'un lama. Vous voyez pourquoi ? Alors, on peut se poser des questions. Hein. Le zèbre n'accepte pas, le cheval a accepté. C'est comme ça. Il accepte une certaine charge, hein, et dès qu'on dépasse à un kilo près, il se roule par terre. Hein. Donc voilà. Alors que les chevaux, ben, le baudet, on connaît ça, charger le baudet, on est allé comme ça. Tout ça, c'est extrêmement intéressant pour comprendre comment, par itération, hein, l'humain n'avait pas de dessein initial, il voulait avoir des animaux domestiques, hein, pour l'aider, d'abord les manger, bien sûr, évidemment, bien que le chat et les chiens, je ne pense pas qu'au départ, ils aient domestiqué pour qu'on les mange. Il y a des gens qui mangent des chats et des chiens aujourd'hui, mais ça, c'est un peu particulier. Au départ, le but était, bien sûr, tout à fait différent. Donc l'alpaca, et sortent aussi le cobaye, hein, le cochon d'Inde, et vous avez aussi, en Amérique du Sud, des animaux qui ont été domestiqués aussi, mais plutôt pour de l'élevage, pour en retirer les poils, par exemple. Hein, la viscache, par exemple. Hein, et le chinchilla aussi. Donc voilà, ça veut dire que l'humain a commencé à travailler sur différentes régions du monde, à partir de la diversité qui était sur place. Le cheval est assez récent, vous voyez, le cheval est quand même assez récent dans l'histoire. Hein, parce que le cheval, il fallait effectivement être capable de monter dessus. Et puis, il est parti ici, mais après, il a été emmené en Amérique du Nord, alors qu'il y avait des chevaux antérieurs du temps où il n'y avait pas d'humains. L'hyparion était un petit cheval, hein, qui était en Amérique du Nord. On va retrouver ses squelettes. Mais il disparaît, et quand l'humain arrive en Amérique du Nord, il n'y a pas de chevaux, il va l'amener. Et ça va être la grande découverte, bien sûr, des populations amérindiennes, quand les Espagnols débarquent avec des chevaux. Ils n'ont jamais fait la différence entre l'homme et le cheval. Ce sont des centaures pour eux. Un type qui tombe de son cheval, c'est incroyable. Hein, c'est un animal qui se dissocie. Et ça va être une terreur incroyable. Et ces quelques chevaux qu'avaient avec eux les Espagnols, plus les armes à feu, bien entendu, ont joué un rôle considérable sur leur capacité, en fait, à venir à bout d'ethnies qui étaient importantes. Hein. Quand Cortés débarque au Mexique, il y a une population de millions d'Indiens. Ils sont tous massacrés. La variole en tue 50% vers 1520 au Mexique. Et en Amérique du Sud, Pizarro au Pérou débarque avec pas grand-chose. Hein. Et puis ils vont venir à bout d'ethnies mal organisées pour se battre. Hein. Ça sera aussi dramatique pour Montezuma au Mexique que pour Atahualpa au Pérou. Donc voilà, donc cette histoire de la domestication est vraiment très importante. Ça a permis à l'humain de vivre tout à fait différemment, bien sûr. Alors n'oubliez pas les côtés aquatiques. On n'a pas domestiqué que des animaux terrestres. On a aussi domestiqué des animaux aquatiques. Il y a 4000 ans, on avait déjà des animaux aquatiques domestiqués en Égypte et en Chine. Alors, on arrive justement à l'eau aujourd'hui. C'est intéressant de comparer le milieu aquatique au milieu continental. L'humain n'est pas un animal aquatique, c'est clair. Donc au départ, on mangeait, hein. Les préhistoriens me disent on n'a pas de preuves formelles que les humains mangeaient des animaux aquatiques avant 50 000 ans. Ça me fait bien rigoler, attendez. Si des humains, il y a 600 000 ans, arrivaient sur une plage avec des moules sur un rocher, c'est quand même plus facile à attraper et à manger que de courir après un rhinocéros. Hein. Donc en fait, dès que l'humain, on n'a pas de traces. Bah oui, je veux bien, mais n'empêche que, hein, je vous raconterai l'histoire, je vous raconterai les souris de l'île de Madère tout à l'heure. Donc, des fois, on n'a pas de traces, mais évidemment qu'ils faisaient. Ben, tout était bon à prendre, bien sûr. Donc on arrivait sur une plage, il y avait des moules, il y avait des huîtres. Hein, si on, bon, au début, c'est vrai qu'ils ne plongeaient pas beaucoup, les humains, ils ne se trompaient pas tellement dans l'eau, ils ramassaient ce qu'ils pouvaient. Hein. Et donc ils ont commencé à manger ça, et on va les mettre en élevage aussi à une époque un peu plus récente. Donc je vous disais, les démarrages, le chien 15 000, entre 30 et 15. Ensuite, les animaux domestiques classiques, on l'a vu, c'est l'ordre entre 8-10 000 et 8-12 000. Et les premiers animaux aquatiques domestiqués, c'est 4 000 avant, donc c'est 6 000 d'aujourd'hui, en fait, en Égypte et en Chine, avec des carpes. Alors, ça, c'est donc effectivement l'histoire de la domestication des animaux terrestres. Donc, je vous ai mis en rouge ici les animaux, en vert les plantes terrestres, voilà. Puis vous voyez qu'on n'en fait plus tellement maintenant, effectivement. On a tout inventé au début. On continue à les sélectionner, on parle des cultivars tout à l'heure, bien sûr, on les améliore. Alors c'est un terme qui m'a toujours un peu gêné, l'INRA parle souvent d'amélioration des plantes, ça me gêne un petit peu quelque part. Amélioration pourquoi, hein? Quel est le but? Comment on le fait? C'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose en permanence en fait. Améliorer, oui, dans un sens humain, on n'a pas amélioré l'espèce originelle, question sur laquelle il faut qu'on réfléchisse un petit peu au niveau éthique aussi aujourd'hui. Et dans les océans, donc animaux d'eau douce au départ, un peu plus avant, les tilapias en Égypte, hein, les carpes en Chine. Et puis, on va voir les premiers marins apparaître ici par ici. Les Romains cultivaient des huîtres. Ils adoraient les huîtres. Hein. Les Grecs aussi adoraient les huîtres. On stablait des huîtres, en fait, dans des bassins sur le bord de la côte. Et on mangeait ces huîtres et puis ces moules. Et par contre, l'explosion est rapide. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir effectivement que si ça a démarré bien avant, on domestique beaucoup plus d'espèces aujourd'hui de plantes marines ou d'eau douce que de plantes terrestres ou d'animaux terrestres. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous consommez combien de viande, hein? Je sais pas. Allez, 6 par an, hein, entre les oiseaux et puis les mammifères. Et encore, vous allez peut-être une fois aller manger du kangourou, je veux bien, trouver un restaurant avec du bison à Paris et de l'autruche, voilà. Hein. Donc on a fait des gros efforts. Dans l'eau, vous mangez énormément d'espèces. Rien que vos crevettes que vous achetez, il y a au moins 7, 8, 10 espèces différentes. Vos huîtres, il y en a au moins 3 ou 4. Coquilles Saint-Jacques, on les importe de partout. Donc vous voyez que dès qu'on est passé au milieu aquatique, sur le milieu terrestre, on a condenser nos efforts, on s'est concentré sur quelques espèces choisies dans la biodiversité, plantes et animaux. Il y a 3 ou 4 plantes qui font 50% de la biomasse de plantes consommées. Vous connaissez, on en a vu, hein, le riz, le blé, bien sûr, le maïs. Sur le milieu aquatique, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, on produit à peu près un peu moins de 20 millions de tonnes de cultures d'algues dans les océans. Il y a 1 million par la pêche et 19 millions par l'aquaculture. Et ce sont des dizaines d'espèces d'algues différentes, des vertes, des brunes, des rouges. Donc on a eu une diversité beaucoup plus grande. Et les programmes de diversification sont beaucoup plus justifiés aujourd'hui, en recherche aussi, dans le milieu aquatique que dans le milieu continental. Une vraie question qu'on peut se poser. Et là, c'est le travail de Duarte en Espagne, il y a quelques années, qui nous montre effectivement que c'est récent. Alors ici, il a regardé effectivement le nombre de plantes qu'on consomme, environ 250 plantes ont consommé, 44 animaux terrestres, et je vous dis des animaux exotiques, hein, en France on en mange 4-5, hein, 180 animaux d'eau douce déjà, 250 animaux marins et 19 algues différentes. Donc beaucoup plus d'espèces qui viennent du milieu aquatique que du milieu continental. Ici donc, c'est les 50% d'espèces domestiquées, alors ça a commencé avant, il y a 4000 ans, 5000 ans, c'est très récent, hein, 32 ans, 19 ans ici, hein. Il y a énormément d'espèces, on va voir, qu'on a inventées en élevage il y a très peu de temps. D'ailleurs, un collègue américain me posait la question récemment, il me disait « Gilles, est-ce que tu penses qu'on a des animaux marins domestiqués ?» Il faut y réfléchir. Hein. L'huître, c'est à la limite, parce que l'huître, on capture les bébés dans la nature, hein, le naissin, on le met sur un support, et après, on les met dans des élevages. Donc, est-ce que c'est une vraie domestication ? Difficile de faire de la génétique là-dessus si vous ne maîtrisez pas la reproduction, bien entendu. Hein. Donc, on a fait des écloseries, des coquilles Saint-Jacques, d'huîtres. Hein. Et le seul poisson domestiqué pour moi, s'il y en a un, c'est la truite arc-en-ciel. Et c'est un poisson qui vient des États-Unis, qui vivait dans quelques rivières de l'Ouest américain, dans la côte ouest, hein, dans la Coast Range, la Cascade Range. Il y avait ces truites qui vivaient là, qu'on a élevées sur place, et qui sont très bien prêtées aussi. Hein, la domestication, c'est ça. Elles supportent bien la promiscuité. On l'a amené en Europe. Les Allemands en avaient plein. La France a été le numéro un mondial à un moment de production de truites en eau douce. Hein. Ça a baissé. On a fait 55 000 tonnes de truites en France. Ça a un peu baissé maintenant avec les saumons marins qui arrivent de Norvège. Alors que c'est l'impression qu'il n'y a rien à faire chez nous, évidemment. Hein. C'est tout récent. Hein, je vous parle de 150 ans. Et là, on invente des espèces. En ce moment, là, au moment où je vous parle, il y a des gens qui inventent de nouvelles espèces d'élevage, donc bien sûr aquatiques. 90% domestiqués, il y a 2000 ans. Ici, il y a moins de 10 ans. 4 ici, hein, donc c'est très récent. Et ici, ce sont les pourcentages d'évolution de la croissance en élevage. Alors, on a fait le tour pour les plantes et les animaux terrestres depuis longtemps, parce qu'on les élève depuis longtemps. Ici, on a encore de grandes progressions, effectivement, sur ces espèces-là. Parce qu'elles sont encore subsauvages, elles sont encore sauvages. Est-ce qu'un homard élevé, domestique ? Non, certainement pas. Hein. Même un turbo. Turbo, on l'invente allez, en 1990, on fait les premiers élevages au turbo. Donc il faut maîtriser ce poisson, c'est compliqué. On fait ce qu'il faut pour être capable de le faire se reproduire en captivité. Donc, tout ça, c'est très subtil, bien sûr. Hein. Mais c'est en cours de domestication aujourd'hui. Alors, pour terminer sur ces histoires de domestication, une histoire de la domestication dans les océans très différente de celle des continents. On a vu pratiquement tout en même temps, entre 15 000 et 8 000 ans tout à l'heure, on avait tout. On n'a pas inventé de nouveaux trucs depuis. Bon, l'autruche est un peu plus récent. Hein. Les gens le font plus très longtemps. Alors que dans les océans, 2 000 ans avant, on avait les premiers élevages de tilapia et de carpes. 600 ans avant Jésus-Christ, on cultivait des huîtres en Grèce. On a un traité de pisciculture, on a un manuscrit en chinois, écrit en vieux chinois, de Feng Li, qui raconte, 475 ans avant Jésus-Christ, comment, effectivement, il faut s'y prendre pour élever des carpes. C'est le premier traité de pisciculture qu'on a retrouvé, qui est intéressant. Il savait qu'il y avait des œufs qu'il fallait féconder avec du sperme. Hein. L'humain a dû se rendre compte de ça il y a quand même un certain temps, hein, qu'il fallait des filles et des garçons pour que ça marche. Eh bien, il le faisait. Mais la première démonstration industrielle de fertilisation de poissons, c'est 1506. Un moine, en plus, un moine qui fait ça, vous imaginez. Hein, à l'abbaye de Réaume, en France, il a pris du sperme sur des mâles de truites, des ovocytes sur la femelle, il a pressé les testicules du mâle, il a mélangé avec une plume d'oie, hein, ça c'est magique, une plume d'oie pour délicatement mélanger le sperme, c'est délicat le sperme, hein, avec les ovocytes, et il a fait les premiers œillets, vous voyez les yeux des bébés, au bout de 3 semaines en fait, qui apparaissaient. Hein. C'était la première démonstration qu'on avait industrielle de fécondation artificielle d'animal aquatique. Alors, au Moyen-Âge de la carpe, beaucoup en Europe, la carpe vient d'Asie, hein. Toutes les carpes qui sont chez nous, elles viennent d'Asie. Donc on a commencé à transplanter. Et ça, on verra, c'est un problème assez important aujourd'hui. Dans les pertes de diversité, on met tout, partout, des choses qui venaient d'endroits assez limités. La truite, c'est un très bel exemple. Des pays aussi saugrenus pour l'élevage de truites, hein, que l'Iran ou le Kenya, il y en a. Elles viennent toutes de petites rivières américaines, nord-américaines, du milieu du XIXe siècle. Hein. Pensez aux premiers bateaux qui transportent des œufs de saumon. Quand vous relisez ça, il y avait un clipper australien. 10 fois, il a essayé. Il allait à Londres chercher des œufs de saumon. Parce qu'à l'époque, on allait à la voile. Hein, pour ramener ses œufs avant qu'ils n'éclosent, parce que ces œufs ne supportent absolument pas l'eau salée. Hein. S'il y a un poil de sel dessus, ce sont de très gros œufs. Ben c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein, c'est l'osmose. Si je mets un gros œuf de saumon dans l'eau salée, pst, il perd son eau et puis il meurt tout de suite, déshydraté. Et il y en a le Cotissard, qui est le premier voilier qui a ramené en Australie des truites, on est vers 1885, arrive 2 jours avant l'éclosion. Il a gagné. Il y a des truites partout en Australie aujourd'hui. Et ça a été fait partout. Vous avez aujourd'hui des truites au Chili, en Argentine. Il n'y avait aucun salmonier dans l'hémisphère sud au départ. Hein. Vous voyez comment l'humain a considérablement joué des rôles différents, très variés, sur la dissémination d'espèces à des propos d'élevage. Alors après, on invente tout. Hein. Que des carpes. Après, donc, on féconde les salmonidés, les débuts de l'huître en France, milieu 19e. On transplante des États-Unis les truites et les saumons qui arrivent chez nous. Il y avait un saumon chez nous aussi. L'anguille au Japon, années 50. Les huîtres en Europe explosent dans les années 50. Hein. Années 60, la truite arc-en-ciel. Les premiers aliments artificiels, ça a tout changé, l'aliment artificiel. Pensez qu'au départ, quand vous regardez une carte de la pisciculture, vous avez les ports de pêche. Hein, quand les premières truites élevées en France, c'était Boulogne, hein, et puis c'était là, en fait, au bord de la mer. Et un type invente en 1961, il invente les aliments artificiels. Je fais un aliment sec, transportable par un camion, à partir de farine de poisson et de farine végétale, je mélange tout ça et je transporte mes sacs d'aliments à Lyon. Et on voit la carte de la pisciculture française totalement changée. Hein, on va dans les Alpes, on va un petit peu partout. Comme quoi, une technique comme ceci peut complètement modifier un système. Et ça, on le verra constamment. Les progrès de l'humanité, ils sont là, hein, et la démographie aussi. Hein. On passe par des découvertes technologiques qui modifient tout du jour au lendemain. Hein. Années 70, ça va être la céréole, les poissons-chats aux États-Unis, la coquille Saint-Jacques. Années 80, c'est les saumons, les crevettes, les loups, les dorades, les tilapias, les poissons-laits en mer. Années 90, les palourdes, le loup du Pacifique, la nacre, la grande nacre du Pacifique, les esturgeons, le turbot. Et puis maintenant, ben, la morue, le phéton, le thon, les soles, les mérous. Et puis demain, les spadons, les oursins, les langoustes, les tortues, les sèches, les calmars. C'est parti ! Des gens travaillent là-dessus aujourd'hui en différents pays du monde. Donc on va avoir en fait une énorme palette d'espèces marines élevées, alors qu'on va rester sur quelques espèces élevées au niveau continental. Alors, on bascule donc, maintenant l'humain est installé, d'accord ? Il est sur notre planète, il s'est cultivé, il s'est élevé, et puis il barre partout. On a dit, à cette époque-là, il ne reste que Homo sapiens, hein, il n'y a plus que nous. Une espèce, et on dit souvent, c'est vrai, tous égaux, tous différents. La génétique des humains nous montre entre eux qu'on est tous différents. C'est ça l'intérêt. Mais nous sommes une seule espèce, hein, absolument féconde, absolument partout. Alors, ici, c'est les questions qu'on nous pose souvent. En fait, vous nous dites, je vous l'avais dit, dans les grands musées du monde, nous avons aujourd'hui un peu plus, on a basculé il n'y a pas longtemps, de 2 millions d'espèces qui sont connues. Elles sont dans les musées, 2 millions d'espèces, très bien. Mais la question réelle, il y en a combien, finalement, autour de nous ? Hein, je vous disais, dans la pièce, là, il y a bien plus d'espèces que Homo sapiens, et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une souris au Collège de France, une araignée dans le coin, là. Bon. Il y a bien plus de trucs que ça. Et, des bactéries, on avait dit, il y a des acariens, il y a des tardigrades, qui se baladent un peu partout, effectivement. Hein. Et cette vraie question est importante, parce que comment mettre en évidence des pertes de biodiversité sur le nombre d'espèces, si on n'a pas le nombre d'espèces ? Et malheureusement, chaque fois qu'on fait un inventaire, on sait qu'il est très partiel, en fait. Hein. Aujourd'hui, chaque fois qu'on donne un chiffre, il est forcément faux. On est largement en dessous de la réalité. Pour combien de temps ? Et quand on dit aujourd'hui les espèces s'en vont à un rythme dramatique, on avait dit au millénium. Le millénium, je vous avais dit, en 2000, les chefs d'État se réunissent en Islande et décident de faire une grande étude mondiale sur l'état mondial de la planète et des écosystèmes. On appelle ça Millennium Ecosystem Assessment. Il y a eu en tout un peu moins de 1400 scientifiques du monde entier, de tous les pays du monde qui ont travaillé. Et en 2005, ils rendent leur rapport. Et ils disent, la diversité, sur le critère du nombre d'espèces, on verra ce que ça vaut plus tard, nous dit que la diversité s'en va à un rythme, ils disaient, de 100 à 1000 fois plus vite que ce qu'on a calculé sur les 500 derniers millions d'années. On a revisé un peu à la baisse ces chiffres, c'est d'ordre de 300, c'est pas très glorieux. Hein. Ça veut dire que l'humain interfère sur ces milieux. Alors, comment on mesure un tel chiffre ? Dans la mesure où on ne connaît pas le nombre d'espèces, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Simplement par la disparition de surface. Chaque fois qu'un kilomètre carré de récif corallien s'en va, blanchi, ou détruit par la dynamite ou par le cyanure, on pêche comme ça, ou chaque fois qu'un kilomètre carré de forêt tropicale d'Amazonie ou d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique s'en va, ça correspond à peu près à tant d'espèces. Donc on fait un calcul absolument global. Et les gens qui veulent répondre à ces questions, quand ils parlent des espèces, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, ils ont une idée, en fait, c'est de partir sur les taxons au-dessus. On a pris ici donc les familles, les espèces, les genres, les familles, les ordres, les classes et les phylas. Hein, les phylas, c'est les grands groupes animaux ou végétaux. Et là, effectivement, c'est un peu plus facile pour voir un petit peu comment ça part. Et on a estimé comme ça, alors ce que ça vaut, hein, c'est vraiment un grand coup de serpe. Hein. On estime la diversité réelle d'animaux, de plantes, de virus, de bactéries, de champignons et de protozoaires qui nous accompagnent aujourd'hui encore avec nous, de l'ordre quelque chose entre 10 et 20 millions d'espèces. Et c'est là que c'est terrible, surtout pour un président de grand musée, c'est que on décrit à peu près 16 000 à 18 000 espèces nouvelles par an. J'ai regardé, depuis 15 ans, ça ne bouge plus. 16 000, 18 000. On découvre 700 espèces par an de nouvelles en Europe. Hein. Ce n'est pas fini. Hein. Chaque année, il y a 700 nouvelles espèces découvertes en Europe. Hein. Il y en a plusieurs en France. Hein. Beaucoup d'insectes, plus de la moitié d'insectes. Et en fait, à ce rythme-là, supposons qu'il y en ait 20 millions, on en connaît deux, il reste 18 à trouver. Il me faut 1000 ans. 1000 ans pour simplement être capable de dire demain dans un grand catalogue, sur la Terre aujourd'hui vivent 20 millions d'espèces qui s'appellent... On n'a pas le temps. Et ça, on le sait par contre, hein, quand on regarde la vitesse de disparition des écosystèmes, qu'on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc c'est une vraie course contre la montre. Et ça qu'il faut dire aujourd'hui, on continue à décrire, c'est intéressant, mais ce qu'il faut, c'est trouver de nouvelles techniques pour mettre en évidence cette diversité, bien sûr. N'oubliez jamais une chose non plus, c'est que cette diversité augmente en permanence. Au départ, vous avez la première cellule dans l'océan qui s'est divisée en deux, en quatre, elle a fait des filles, hein, du clonage de cellules. Et puis, ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, il y a des espèces nouvelles qui apparaissent absolument en permanence, hein, de plus en plus. Et l'humain, de par ses perturbations qu'il crée autour de lui, crée encore plus des conditions d'apparition d'espèces. Donc le bilan devrait être magnifique. Manque de chance, comme on détruit les écosystèmes au fur et à mesure, elles n'ont pas le temps d'apparaître. En fait. Souvent, on me pose la question, vous nous dites des espèces disparaissent, mais combien apparaissent? Pas beaucoup. Quelques exemples quand même. On a eu un cas fabuleux récemment dans le métro londonien. En fait, on a trouvé deux moustiques nouveaux. Un sur une ligne, l'autre sur une autre ligne. Alors, c'est intéressant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est très récent, ça nous montre que ça peut aller très vite, hein, 30 ans. Des moustiques, les Culex pipias, ceux qui vous embêtent le soir à Paris, là, qui... Puis on va en avoir d'autres qui débarquent en ce moment. Alors, vous allez voir les tigres qui vont arriver bientôt avec les chikungunya, là. Eh bien, ils vous piquent, ils vous embêtent, ils se retrouvent dans le métro. Et le métro, pour un moustique, c'est le pied. Pas prédateur, les martinets, ils n'arrivent pas à voler dans le métro, hein. Il fait chaud toute l'année, en plein hiver, il fait super chaud. Et vous avez des mètres cubes de sang humain à pomper. C'est magnifique. Eh bien, surtout, ils ne sont pas ressortis. Et du coup, 30 ans d'isolement de ces moustiques du métro à Londres ont fait qu'ils ne se croisent plus avec les extérieurs. Et on a deux nouvelles espèces de moustiques apparues dans le métro. On a plein d'histoires comme ça à raconter. Une autre, c'est sur les souris de l'île de Madère. Quand Madère sort, c'est un volcan sur de l'océan. Très bien, c'est génial pour les scientifiques, ça. Hein. On a assisté à des naissances d'îles comme ça au sud de l'Islande il y a quelques années. On était furieux parce qu'avant qu'arrivent les scientifiques, sont arrivés des journalistes. Et ils avaient des bactéries, des araignées, ils nous ont planté notre manip. Hein. Donc il faut attendre le prochain truc qui va sortir pour qu'on puisse vraiment avoir un état zéro où il n'y a rien. Et donc, sur cette île de Madère, lorsqu'on peut typer les moléculairement les souris, en fait, Madère est organisée de telle façon qu'on ne passe pas d'une vallée à l'autre. Il y a des crêtes très pointues entre les différentes vallées, et une petite souris ne peut pas passer d'une vallée à l'autre. Donc on a des marqueurs génétiques, et on se rend compte que les souris de toutes les vallées de Madère, elles ont des gènes de portugais. Je connais ça. Parle portugais à Madère, c'est cohérent, c'est bien. Et puis, il y a quelque temps, il y a un type qui, sur une vallée de Madère, trouve des gènes danois. Alors là, ça me suit beaucoup. Et c'est superbe, cette histoire, en fait. C'est quoi? Eh bien, simplement, ce sont des souris vikings, tout simplement. On n'a aucune preuve archéologique, on n'a rien du tout. Nous démontrons que les vikings sont passés à Madère. Le fait qu'on trouve des gènes danois dans les souris d'une vallée de Madère, ils sont venus, c'est tout. Alors c'est du sperme de souris de drakkar viking, hein, pas de guerrier viking, on est bien d'accord. Hein, parce que mes étudiants m'avaient dit un jour du sperme de viking, non, attention. Hein, sur les drakkar, il y a des souris. Quand on aborde les souris, elles s'échappent. Elles ont bien sûr des gènes de souris danoises. Et comme elles se reproduisent dans leur vallée entre elles, eh bien, vous avez une vallée de Madère avec des souris danoises. Il y a plein d'histoires comme ça. Ce qui est intéressant en génétique, c'est que ça peut aller très très vite finalement. Hein. Là, c'est 1000 ans, les vikings, c'était en l'an 1000 à peu près. Et puis, mon histoire des moustiques, là, on cherche les mêmes à Paris, on ne les a pas encore trouvés, ça va peut-être venir, hein, pour trouver des nouveaux moustiques dans le métro parisien. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à ces réflexions-là sur le nombre d'espèces. Deuxième remarque générale aussi, c'est que cette diversité est très mal répartie. On a un gradient nord-sud très clair, c'est-à-dire que plus on va vers le nord, et moins il y a d'espèces. Il y a très peu de papillons, il n'y a pas de papillons. Dans le cercle polaire arctique, il y a 2-3 espèces. Idem pour le sud. Il y a énormément d'espèces dans la ceinture intertropicale. 17 degrés nord, 17 degrés sud. Là, vous avez une grande partie de la biodiversité, en nombre d'espèces, simplement. Voilà pourquoi la Guyane est beaucoup plus riche que l'Europe, ainsi que des territoires comme Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, qui sont des zones très particulières avec un grand endémisme. L'endémisme, hein, j'en parlerai plusieurs fois, c'est le fait que vous vivez là et pas ailleurs. Vous êtes endémique quand vous vivez uniquement dans un endroit très resserré et très petit. Vous verrez que l'endémisme en mer est très compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a énormément sur les continents parce que les niches écologiques sont telles que tout est séparé de l'autre. Donc ici, il vous montre que vous avez ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds de diversité. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est Myers qui a fait ça. Ces gens-là, ils sortent des écoles de la conservation. Les gens qui travaillent avec Conservation International, ce sont des groupes, en fait, ce sont pas des laboratoires qui ont pignon sur rue, ils ont des chercheurs qui travaillent sur la conservation. C'est un mot qu'on abordera dans l'avant-dernière leçon. J'aime pas trop. Je vois pas comment on peut conserver du vivant. La nature, elle est pas conservable. Elle évolue en permanence. On peut protéger, on peut aménager, conserver. Je crois que c'est pas le but, conserver. On y reviendra. Donc, ces gens-là nous montrent qu'ils ont compté le nombre d'espèces. Alors, ils ont pris les papillons, les oiseaux, les poissons. Et c'est clair que plus vous allez du nord vers l'équateur, plus il y en a. Idem pour le sud. Plus vous partez de l'équateur vers le sud, et moins il y en a. Donc, vous avez des zones qui sont particulières, extrêmement riches. Et le seul coin en Europe qui était un point chaud, c'est le pourtour méditerranéen. Alors, j'avais mon laboratoire ici à Bagnols-sur-Mer. On a une petite forêt ici à une encablure de la côte qui s'appelle la forêt de la Massane, où on a le plus grand hotspot d'Europe. Hein. Sur 337 hectares, on a dépassé 7500 espèces. C'est extraordinaire, en fait. Hein. Et encore, on n'a pas fait les bactéries. Hein. On a quelques-unes, mais pas beaucoup. On commence à regarder les micro-champignons du sol en ce moment. Hein. On a fait tout ce qui était facile. On a fait les papillons, les oiseaux, les amphibiens. Ça, c'est facile à faire. Hein. On est passé à des groupes, les hyménoptères, pas très simples. Les diptères non plus, les mouches. Hein, mais ça vient, hein, les fourmis, on a fait des inventaires des fourmis. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on aura intérêt à protéger ces zones particulières. La diversité en espèces est répartie ici. Le problème, c'est que vous regardez ces pays, on est dans tous les grands problèmes de la géopolitique de l'humain aujourd'hui. Hein. Et ça repose les débats sur la protection d'espèces dans des zones où la démographie galope. L'autre jour, j'ai écouté une conférence de Gilles Pison qui racontait que vers quoi va la démographie humaine. Hein. Il disait que le Nigeria risque de devenir aujourd'hui le deuxième ou troisième pays en population au monde. 400 millions. Comment vous les alimentez? Pour faire quoi? Quelle énergie ont-ils pour pouvoir le faire? La Chine a baissé un petit peu. Mais malgré leur loi en Chine d'avoir baissé la démographie, en gros, on estime que leur système a interdit à peu près à 450 millions de ne pas naître d'humains. Mais ça se libère. Je vous dis, c'est 1,5 la moyenne, une femme chinoise. Donc, c'est pas 1, c'est 1,5 par couple. Et en France, on est à 2,2. Le Japon est plus bas. La Corée aussi est très basse en ce moment. On est à 1,1, 1,2. Ça veut dire que l'Afrique va exploser. 1 milliard d'humains, peut-être 2 milliards demain. Donc l'Afrique va être totalement, totalement différente. Et c'est vrai que ça pose des problèmes considérables, bien sûr, par rapport à ces questions-là. Alors bien sûr, on enlève la forêt pour mettre des humains, et ça, bien sûr, c'est pas très bon pour la biodiversité non humaine. Aujourd'hui, 90% des espèces connues vivent sur 10% des territoires émergés. Vous voyez, ça, c'est quand même très intéressant à prendre. Alors, regardez comment on peut expliquer des répartitions différentes. Un travail de Jacques Brondel à Montpellier. Il a regardé, en fait, le nombre d'arbres et d'oiseaux, parce qu'on les connaît assez bien, dans l'hémisphère nord. La Chine, 700 espèces d'arbres, 1000 espèces d'oiseaux. L'Europe, 124 espèces d'arbres, 500 espèces d'oiseaux. L'Amérique du Nord, 250 espèces d'arbres, 700 espèces d'oiseaux. Alors, question intéressante, pourquoi est-ce que nous, ici, on a moins d'espèces qu'en Asie, dans l'hémisphère nord, ou en Amérique? Et là, il montre que c'est lié, en fait, à des phénomènes très faciles à comprendre. Hein. Au départ, c'était pareil, puisqu'il y avait une grande Pangée, et ces continents étaient liés, bien sûr. Hein. Quand ils vont se séparer, la présence du Sahara va interdire aux faunes très riches du sud de passer. Et on verra des faunes tropicales, néotropicales, subtropicales passer de l'équateur et des tropiques vers le nord. Idem pour l'Amérique, alors que ça ne pourra pas se passer pour l'Europe, parce qu'ils auront cette énorme surface ici qu'ils ne pourront pas franchir. Certains oiseaux arrivent à le faire. Hein. Donc on a des idées, on essaie de comprendre. Après, ce sont des théories, hein. On peut les discuter. Hein. Pourquoi il y a des endroits où il y a beaucoup d'espèces par rapport à d'autres, où on ne trouve pas ce nombre d'espèces-là. Alors ceci a amené donc toutes ces évolutions-là, de disparition d'espèces, d'érosion de la biodiversité, ont amené en fait un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, en 2000 et 2002, à proposer un terme qui a beaucoup plu aux écologues, qui s'appelle anthropocène. Donc littéralement, si je traduis ceci, c'est la durée de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on avait vu depuis le début de nos cours, qui était la longueur du jour, le sel de l'océan, vous vous en souvenez, la température de l'air ou de l'eau, mais la présence d'une espèce avec ces animaux domestiques. Hein, donc vous prenez l'humain avec ces animaux domestiques qu'on avait tout à l'heure, tout ça fait une influence considérable sur l'environnement. Et on voit qu'en 3 siècles, hein, les humains multipliés par 10. Je regardais depuis 1950, 3 fois plus d'humains qu'en 1950. 3 fois plus. Alors après, vous pouvez lire ça, c'est les travaux de Robert Barbeau dans son livre de 2006. On émet du dioxyde de soufre, on fixe de l'azote sur les champs pour les amendements agricoles, on émet du CO2, du méthane, on a transformé 40% des terres pour faire de l'agriculture aujourd'hui, on utilise plus de la moitié de la ressource en eau pour l'humain, hein. C'est-à-dire qu'il reste, si je prends l'humain et ses animaux domestiques, il ne reste même pas la moitié de l'eau pour tout l'ensemble de la diversité qui n'est ni humaine ni animale domestique utilisée par les humains. Ce n'est pas un partage très équitable, hein, vous le reconnaissez, hein. Ensuite, donc, ce que disait Robert Barbeau en 2006, hein, l'homme peut très bien avoir un rôle sur les cycles biogéochimiques planétaires, sur la structure, la stabilité et la productivité des écosystèmes, sur la composition des faunes et des flores, on va le voir en permanence, sur la physiologie, la démographie et la génétique des espèces vivantes, et enfin sur sa santé à lui et sur sa qualité de vie à lui, à Homo sapiens, en permanence. On va prendre 2 exemples, la mer d'Aral et l'île de Pâques. La mer d'Aral. 1900, 54, 64, 87, 97, 2002. En fait, on a pompé de l'eau dans une mer intérieure pour irriguer des champs de coton. Coton qui n'a rien à faire là. Hein. C'est une plante qui a été introduite, bien sûr, dans la région. Et on a asséché une mer. Alors, bien sûr, ce lac qui était intérieur a, en plus, a une très forte évaporation dans ces régions du monde. Parce qu'en fait, ils sont alimentés uniquement par des fleuves. Hein. Il y a très peu de pluie. Et on est arrivé à un désastre. Ça, c'était des ports de pêche. Regardez ces bateaux de pêche. Ils sont dans le désert aujourd'hui. Une pollution effroyable. Les niveaux de mortalité infantile sont aussi forts que les pays africains les plus défavorisés. Ça a touché les pêcheurs. Il y avait 60 000 pêcheurs, ils ont disparu. 44 000 tonnes de pêche, elle a disparu. Il y avait 24 poissons, il en reste 4. Il y avait 173 oiseaux, il en reste 38. 150 millions de tonnes de poussière toxique émises chaque année. 2 millions d'humains touchés. Dans la différence totale. Alors ça s'améliore un petit peu en ce moment. Ils ont fait un petit peu attention. On voit revenir un peu la mer d'Aral. Mais l'exemple est démonstratif. C'est absolument effroyable ce que peut faire Homo sapiens, l'homme qui sait. Il est capable de faire ça. C'est comme des types qui ont quand même été capables en 96 de donner à manger à des vaches des cerveaux de moutons malades. Hein. Et ben ça, c'est Homo sapiens qui a fait ça aussi. Hein. Donc, encore une fois, beaucoup moins d'arrogance. Regardez un petit peu ce que, pour des raisons strictement de cupidité et d'arrogance, on peut faire. Allez voir le film Le Loup de Wall Street, vous verrez ce que peut faire Homo sapiens. L'île de Pâques est un joli exemple aussi que Jared Diamond a mis en exergue. Je vais simplement faire une petite réserve par rapport à ce qu'il a dit. L'île de Pâques, on la découvre vers l'année 850 à peu près. Maintenant, ça s'est bien documenté. Des humains arrivent. Fabuleux l'histoire de l'île de Pâques. Ils sont polynésiens, hein. ils viennent de l'autre côté, ils ne viennent pas du tout d'Amérique. Thore Heyerdahl, quand il a fait sa magnifique expédition du Kon-Tiki, hein, ce radeau en balsa qu'il a construit après la guerre, il est allé du Pérou de Callao jusqu'aux îles du Pacifique. Bel espace sportif, mais aucune réalité scientifique. Ce n'était pas comme ça que ça s'est passé du tout. Maintenant, on pense plutôt l'inverse, c'est que ces types-là, s'ils avaient pu trouver l'île de Pâques, ils n'ont pas raté l'Amérique du Sud, venant de l'autre côté. Hein. Donc, ils l'avaient trouvé avant. Et les murs cyclopéens qu'on trouve effectivement à l'île de Pâques sont antérieurs aux murs cyclopéens que faisaient les Incas à Sacsayhuaman, au Pérou. Donc, intéressant à y réfléchir. D'ailleurs, ils avaient le camoté avec eux à l'île de Pâques. Le camoté, il venait d'Amérique du Sud. Ces gens-là étaient d'abord allés en Amérique du Sud et après, ils ont trouvé l'île de Pâques. Donc, ils trouvent l'île de Pâques. Des hommes, des femmes, sur de grands bateaux. On imagine 400 personnes. Pas de chiens, ce qui est rarissime. Tous ces gens-là ont des chiens. Les chiens sont morts en route. Et voilà pourquoi on pense qu'ils sont arrivés qu'une seule fois. On pense que s'ils étaient venus plusieurs fois, les chiens auraient fini par arriver à l'île de Pâques. Quand les Européens les retrouvent, il n'y a pas encore de chiens. C'est eux qui vont les amener. Ils vont amener des moustiques aussi, d'ailleurs. Hein. Plein de trucs, des grillons, un tas de trucs qu'on va amener, qui n'ont rien à faire là, mais c'est comme ça. Donc, ils trouvent l'île de Pâques. Paradis terrestre. Hein. Elle est couverte. On connaît 32 plantes quand ils découvrent l'île de Pâques. On a retrouvé dans les pollens fossiles. Et il y a un arbre qui s'appelle Sophora Toromiro qui recouvre l'île de Pâques. Évidemment, quand les Européens vont retrouver l'île de Pâques, le mystère va être très fort. Comment ont-ils pu dresser ces moailles, cette grande statue, sans rondins, sans lianes, sans système glissant? Il ne reste plus rien. Mais ils les avaient à l'époque. On les avait trouvés. Donc, Sophora Toromiro va être sauvée in extremis par Thore Heyerdahl. En 1956, quand il y va, il ramène quelques graines de Sophora Toromiro et on le sauve au jardin botanique de Kew Gardens à Londres et en France à Menton. Je n'avais pas dit que de Menton, on a sauvé les Sophora Toromiro, qu'on essaye de ramener là-bas maintenant, mais ça ne marche pas. On a fait 3-4 expériences, on n'arrive pas à ramener Sophora Toromiro à l'île de Pâques. Pour les Pascons, c'est fabuleux, on en pleure. Hein. Quand il va revenir leur arbre ancestral qui a été bouffé par les chèvres, les cochons, les poulets qu'on a amenés sur l'île, c'est absolument effroyable. Donc on s'installe, et puis, rapidement, on va commencer à occuper la population en faisant des grands travaux et on va dresser ces moailles. Alors le premier moaille date à peu près de l'an 1000. On a à peu près 1000 moailles connues à l'île de Pâques, 986, qui sont dressées ou en cours de finition direction de la falaise sur les carrières, hein, au Rano Raraku. Et donc, ces moailles, alors, une grande question, pourquoi on a fait des moailles? Il y a des hypothèses de fous. Vous relisez dans les 60s, Robert Charroux, par exemple, ou un Suisse s'appelle Eric von Däniken, des folies totales. Il y avait des volcans, on mettait le moaille dans le volcan crachait le moaille qui allait se planter là où il devait être, enfin... Extraterrestres, alors là, ça a été la libération totale. Plein d'extraterrestres partout qui avaient amené des moailles, civilisations absolument venues d'ailleurs, les humains ne peuvent pas faire ça. Et là, j'aime bien l'archéologie réaliste, moi, où on fait avec des humains actuels quelque chose qu'aurait pu se faire il y a quelques siècles. Hein. On a pris des types, de l'huile de coude, on a pris des moailles, des patates écrasées, ils avaient du camoté, ils avaient des pommes. C'est super glissant, des pommes de terre. Hein. Moi, je me rappelle d'une manif de paysans à Brest un jour, en voiture, quand vous avez des patates écrasées sur la route, c'est pire que la glace. Hein. Donc ça marche très bien. Des rondins, ils avaient des cordes, ils avaient des liens, bien sûr. Ils ont dressé leurs mailles, tout simplement. Alors pourquoi ils les faisaient? Après, des grandes questions. Alfred Métraux découvre l'île en 1933, avec la vacherie, son copain. Et il trouve encore des outils en place. En 1933, il y avait encore une île de Pâques quasi pas regardée. Les Chinois l'annexent en 1888, sans que personne ne s'en émeuve. Ça n'a rien à voir avec le Chili, ce truc. Hein. Il n'y a aucune histoire géologique ni historique de relation avec le Chili. On parle castellano parce qu'il y a la police chilienne et l'armée chilienne qui sont là-bas aujourd'hui, mais ils l'ont annexé comme ça. Et à l'époque, personne n'a rien dit, un petit caillou perdu dans l'océan Pacifique, parce qu'en fait, les premiers découvreurs sont quatre. Hein. Le premier qu'ils trouvent, c'est un capitaine hollandais qui s'appelle Jacob Roggeveen. En plus, Roggeveen, c'est assez fabuleux, parce que vous imaginez trouver l'île de Pâques. Alors moi, je trouve ça... Retrouver l'île de Pâques, où sont les Pascouans. Première remarque, ils décrivent tous. J'ai lu tous les journaux de bord des quatre grands découvreurs du Pacifique de l'île de Pâques. Ils racontent comment ils trouvent les Pascouans. Quand on lit le journal de bord de Roggeveen, alors d'abord, lui, il n'est même pas descendu à terre. Alors ça, moi, ça me rend malade. Vous trouvez l'île de Pâques, il ne descend même pas à terre. Autre temps, autre mœurs, hein. Il reste sur son bateau pendant trois jours. Et c'est son second, Charles Bérins, qui descend à terre et qui nous laisse les traces de ce qu'il a vu. Les Pascons se mettent à l'eau, de beaux gaillards, de belles femmes qui nagent et qui viennent échanger avec eux. Donc déjà, premier doute très fort sur le fait que c'était les premiers Européens qui voyaient. Hein. Parce que vous imaginez, si les Martiens débarquent ici à côté tout à l'heure, je pense qu'on sera en émoi un peu plus fort que ce qu'on décrit des Pascons qui, la première fois, voient effectivement les navires de Roggeveen. On est le jour de Pâques de l'an de grâce 1722. Hein. Donc on appellera en hollandais Oosterinsel, l'île de Pâques. Après, il passera un capitaine espagnol, c'est Felipe González de Haedo, qui passera un petit peu après. Les états sont espagnols aussi. Après passera donc, bien sûr, le grand homme du Pacifique, James Cook. Il va rester une semaine. Et Cook a avec lui un interprète tahitien, qui comprend le Pascouan. Donc, on arrête de me dire que ces gens-là viennent d'ailleurs que de la Polynésie, bien entendu. Ils parlent leur langue. Et enfin, le dernier arrivé, c'est notre Français à nous, Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, débarque à l'île de Pâques avant d'aller terminer sur les rochers de Vanikoro un peu plus tard, et décrit aussi, on voit que sur 70 ans, là, entre le canot de bord de Roggeveen et celui de la Pérouse, ça s'est fortement dégradé. Et on arrive à la théorie de Jarimond, trop de bébés, les ressources disparaissent, et c'est le collapse, sur une île de laquelle on ne peut plus repartir. Quand on a coupé le dernier arbre de l'île de Pâques, alors d'abord, n'imaginez pas que les types l'ont fait sans... Il n'y a pas eu les types, le sabre entre les dents, on va couper tous les arbres. C'est ce qu'ils ont fait, mais sur un certain temps. Et on le lit dans les séries fossiles aujourd'hui. Donc j'ai deux archéologues du muséum qui sont Catherine et Michel Orliac qui passent leur vie là-bas et qui ont fait deux carottes de sondage dans les deux cratères de volcans, le Rano Cao et le Rano Raraku. Et là, on lit 18 000 ans de l'histoire de l'île de Pâques. On a le climat successif qui se suit, hein, qui se succède dans le temps. Il y a beaucoup de volcans, il y a du volcanisme, il y a 2 millions d'années. Ce sont des îles qui sortent du fond de l'océan. Et l'île de Pâques est vraiment très particulière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre endroit sur la Terre où, quand vous êtes dessus de l'île de Pâques, si vous enlevez les humains qui sont avec vous, les humains les plus proches sont aussi loin. 4000 kilomètres. Il n'y a rien à moins de 4000 kilomètres. Ici, dans l'amphithéâtre ici du Collège de France, 4000 kilomètres, je ne suis pas très loin du Labrador, j'ai largement dépassé l'Oural et je suis largement au sud du Sahara, hein. Là, non, il n'y a rien. Et ces gens-là, en fait, parlent de Iva, il y a toutes les légendes du vieux roi Otu Motua, hein, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui, effectivement, a rêvé que son île allait disparaître sous un tsunami, et donc il emmène son peuple sur une nouvelle île, l'île de Pâques. Il savait qu'elle était là, ces gens-là, sinon il ne l'aurait pas trouvée. Il débarque dessus, s'y installe. Et une fois qu'il n'y a plus d'arbres, on ne peut pas revenir en arrière. Et effectivement, on va se rendre compte que ces statues vont les ériger entre l'an 1000, un peu avant l'an 1000 et l'an 1300. Il y en a qui ont été érigées récemment, hein. Il y en a qui datent en fait juste avant l'arrivée des Européens, 1700, 1650, on dresse encore des moailles, on en construit encore. Alors nous, on lit très bien l'arrivée de l'humain, la déforestation dramatique, dernier arbre qui disparaît. Ensuite, on brûle les souches, les charbons de bois. Il y a plein de charbons de bois dans les gisements parce qu'on brûle les souches des arbres qui restent en place. Et puis c'est le collapse après, donc on voit les charbons. La population, on pense qu'ils auraient peut-être pu être entre 20 et 30 000 vers 1680, donc avant que n'arrivent les Européens. Là, ça n'a plus. On est trop nombreux sur des ressources qui ne sont plus là. Pas d'arbres, pas de bateaux, pas de bateaux, pas de pêche. Hors du bord de l'île de Pâques, il n'y a rien à pêcher. Les grandes tortues qui pêchaient, les grands espadons, les grands thons rouges, il fallait les chercher au large, ils ne pas sur la côte. Et donc c'est le collapse. Ils sont arrivés qu'avec des poulets. Le seul animal qu'ils avaient, c'était les poulets. Ils avaient du camoté, la patate douce, ils avaient des bananes, du thé, du curcuma, du santal. Ils avaient l'arbre à pain et le coco, mais qui ne vont pas s'adapter à l'île de Pâques. Le climat n'est pas propice. Donc, leurs arbres sur lesquels ils vivent en permanence, en Polynésie, ils les perdent très rapidement. Et donc, ils vont manger du poulet pendant 1000 ans. Il y a des poulaillers partout sur l'île de Pâques. Partout, partout, partout. Bouffer des poulets. Puis quand il n'y a plus de poulet à bouffer, ben, et ça va se terminer assez mal, cette histoire-là, puisque là, on pense à ces populations-là. Et quand Pierre Loti y passe, il laisse un très beau texte qui s'appelle « Reflet sur la sombre route ». Il reste 105 passerons. Alors qu'ils ont peut-être été, je vous dis, 8-10 000 en 1680. Pillés, rançonnés. Parce que les quatre grands découvreurs dont je vous ai parlé, ils avaient des buts paisibles. Mais après arrivent les pirates, les trafiquants de tous ordres. On viole les femmes, on les tue. Il y a ces pauvres filles emmenées en plein Pacifique qui se jettent du bateau en mer pour ne pas... Elles ont marre d'être violées, évidemment. Donc elles vont disparaître comme ça. Il y a plein d'histoires horribles d'humains à l'île de Pâques. On leur amène les moustiques, parce qu'on refait l'eau des baleiniers. Avec de l'eau qui est contaminée, on balance l'eau sur l'île. Là-dedans, il y a des larves de moustiques qui vont s'installer. Il y a un Allemand qui adore les grillons. En 1914, il amène des grillons sur l'île de Pâques. Il y en a partout aujourd'hui. C'est le nôtre. Quand je le trouve, c'est le grillon que j'ai dans mon jardin. Hein. Et bien, il a été amené par un type. Les époux font une côte sous bout, passent la guerre de 14, ils sont à l'île de Pâques. Donc, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis, ça se termine par le collapse généralisé. Le Chili l'annexe, alors qu'elle aurait dû être hollandaise, espagnole, anglaise, britannique ou française. Et bien, elle est chilienne. Puis les Chinois ne se seraient jamais occupés de l'île de Pâques jusqu'à une époque récente. Quand les Américains ont décidé en 87 de faire un aéroport à Angaroa, et pourquoi ils ont fait l'aéroport? C'était la base du retour des navettes spatiales. Il n'y a aucun aéroport en cette région-là. Ils se sont dit, si un jour on a un crash avec une navette, ils ont demandé au gouvernement chinois qui a accepté de construire effectivement l'aéroport à Angaroa. Et là, ils vont un petit peu sortir de leur isolement total. Hein. 4000 km, ça fait des jours de bateau. Hein. Et le drame qu'on vit aujourd'hui, j'ai écrit un papier il y a quelque temps dans la revue Espèce, où je raconte qu'on est en train de vivre, on avait dit à l'époque, en 99, maximum 6 000 visiteurs par an. C'est ce que peut encaisser l'île. 70 000 en 2011. Et l'île collapse. Ça devient une monstrueuse poubelle. Hein, pour éliminer une poubelle, quand on a 4 000 km d'un terrain vague, il faut quand même le faire. Et on est en train de recréer la même histoire pour des raisons de surfréquentation touristique. Une histoire terrible, l'île de Pâques. C'est un bel exemple. Alors, ça s'est fini assez mal. Si je traduis Anakai Tangata, en français, c'est quelque chose comme la grotte où sont dévorés les hommes, où sont mangés les hommes. Ils ont fait les Manutara, les frégates, c'est l'oiseau, en fait, fétiche, qui se reposait à Salai Gomez, au nord, et qui venait nicher, tant qu'il y avait des arbres, à l'île de Pâques, il n'y a plus d'arbres, ils reviennent plus. Et Métro raconte une terrible histoire. En 33, il a un bateau. Et donc, il emmène quelques passe-coins sur le petit Motu qui est en face, là où il faisait la cérémonie de l'oiseau. Il dit, j'emmène ce type-là. Il y avait quelques frégates, il y avait des œufs, ils ont tout bouffé en 10 minutes. Ils ont bouffé tous les œufs. Il dit, l'humain ne change pas. Il dit, j'ai rien eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils sont installés, ils ont mangé les œufs de frégates qui étaient sur le petit. Alors, est-ce qu'elles vont revenir, les frégates? Je ne sais pas. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec François Bourguignon, titulaire de la chaire Savoir contre pauvreté. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.